lorsque je tutoie le coma, me tend les bras toxico d'un genre nouveau, me fournit des rayons bricolage. Et crois-moi, c'est un truc de sauvage.